Avant de commencer, nous voulions vous dire que notre petite série, L'Aventure de Noël, vous est offerte par ribambelle.com, le site des activités en famille. Bon épisode! Les petites histoires de Tell Me. L'aventure de Noël. L'étrange marché. Si une douce effervescence parcourt chaque rue de Sylvebourg, c'est au marché de Noël que tout le monde se retrouve. On y profite de l'agitation joyeuse des spectacles, des stands d'artisans et des étals débordants de mets délicieux. Aujourd'hui, un nouveau stand a ouvert. Il est au centre de toutes les discussions. Il paraît qu'on y trouve de drôles de petits gâteaux dodus, si moelleux qu'on a l'impression de croquer dans un nuage, si délicieux qu'un plaisir intense vous envahit et vous oblige à refaire la queue quelques minutes après. Le succès est tel que la file d'attente s'enroule autour de la grande place et serpente dans les rues attenantes. Baya et Léo sont impatients d'y goûter. Malheureusement, une vague de mécontentement gronde. Rupture de stock. Les deux enfants, dépités, regardent leur ami Hugo qui a la chance de pouvoir déguster la pâtisserie tant convoitée. Tout à coup, un râle sordide, glaçant, retentit comme sorti des profondeurs. Hugo s'arrête net. Ses yeux se teintent d'une étrange couleur verte, puis il avance lentement, bavant et bredouillant des mots inaudibles. Le sang de Baya ne fait qu'un tour. « Regarde Léo! Leurs yeux, ils sont envoûtés !» Léo la dévisage, mortifié. Autour d'eux, les rescapés détalent comme des lapins. Le marchand doit être derrière tout ça. Baya saisit le bras de son ami et il remonte en quatrième vitesse ce qu'il reste de la file d'attente. Devant le stand, un homme rondelet, rouge de colère, plus préoccupé d'avoir attendu pour rien que par ce qui se passe autour de lui, se plaint en beuglant. Baya interpelle le marchand. Hé, vous! On sait ce que vous avez fait! Le beuglard devient muet. Le marchand, vieux barbu, plutôt grand et osseux, l'observe avec un rictus agacé transformé aussitôt en sourire mauvais. « Cette fois-ci, vous ne pourrez pas m'arrêter! C'est trop tard !» Il saisit une fiole dans la doublure de sa veste, l'avale d'un trait et disparaît dans une fumée verdâtre. En inspectant l'étal, Baya trouve un portefeuille, celui du marchand. Léo l'interrompt dans ses réflexions. « Viens !» Il n'y a qu'un endroit où on pourra trouver une solution à tout ce bazar. La bibliothèque est encore plus silencieuse et imposante que d'habitude. Derrière le comptoir de l'accueil, la bibliothécaire les accueille bienveillante. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Baya jette un regard incrédule à Léo, qui lui répond d'un haussement d'épaule. Péniblement, la vieille femme se lève. Les enfants la suivent à travers les allées. Ils finissent par déboucher dans une section de la bibliothèque peu fréquentée. Une couche de poussière accusatrice recouvre les livres, comme s'ils n'intéressaient personne. Brusquement, leur guide s'arrête, attrape une échelle à roulette, y grimpe avec une agilité déconcertante et redescend un instant plus tard un livre à la main. Le sourire qu'elle leur adresse vaut tous les clins d'œil de la terre. Vous devriez trouver la solution à votre problème. Potion pour soigner tous les maux, volume 2. L'ouvrage sent bon la noisette et le chocolat. Ces pages ressemblent à des morceaux de parchemin. À la 600e page, ils trouvent le bon remède, la potion de tout va top. Ils ont besoin de neige fondue, de lichen et de feuilles d'arbres fantômes. À côté de cet ingrédient, une indication en pâte de mouche pousse au cœur de la forêt de Sylvebourg. En y pénétrant, Baya et Léo auraient pu avoir l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais en voyant les animaux immobiles les regarder passer, en entendant le bruissement des feuilles dans la brise hivernale, ils pressentent qu'il y a dans cette journée quelque chose de magique. Et sans difficulté, au détour d'un gros buisson, l'arbre fantôme leur apparaît, gigantesque, majestueux, d'un blanc étincelant sous son feuillage flamboyant. Baya? Léo? Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est Fonceur. Il est accompagné d'Isilda. Le petit groupe partage ses soucis. Baya se souvient alors du portefeuille qu'elle a ramassé. Elle l'ouvre enfin et y découvre la photo déchirée d'un homme qui laisse tout le monde sans voix. Léo réagit le premier. « Mais Baya, C'est Papy Mocho, le monsieur de la maison au chat. Tout le monde a peur de lui. Isilda a un autre avis. Mais non, c'est Ronchax, un sorcier qui veut gâcher Noël. Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Silence. Nos amis ont peut-être de quoi guérir tout le monde, mais Noël a encore besoin d'être sauvé. C'était un épisode de l'aventure de Noël. À demain pour le prochain.